Le capitaine Thomas, par Marie-Elisabeth Braddon. Je mets en principe que 9 hommes sur 10 sont malheureux dans leur premier amour, et je tiens aussi, pour règle certaine, que c'est un grand bonheur de l'être. Si ma première passion eût été heureuse, je serais aujourd'hui marié à une jeune fille de 35 ans, demoiselle de boutique chez un pâtissier dans les environs de l'Académie royale, où je faisais mon éducation, de laquelle je devins amoureux à l'âge de 9 et 10 mois. Naturellement, la dame repoussa mes avances, vu mon âge un peu tendre, quoique je possédasse de grammaire latine, un livre d'exercice français, un canif, Télémaque, avec les verbes en italique, et une paire de bottes neuves que je voulais lui apporter en dot. Je pleurai lorsqu'elle me refusa, et elle me donna un gâteau rassis, qui manqua de m'étouffer au lieu de me consoler. Je crois me rappeler que c'était une femme d'un certain embonpoint, ayant les cheveux rouges, mais je la voyais à travers le prisme d'un premier amour, et je me figurais qu'elle était un heureux mélange de Marie, reine d'Écosse. J'étais très intime avec cette majesté si maltraitée, ayant eu l'occasion de la voir dans un salon ambulant de figures de cire, et d'une jeune dame, dont j'avais pu admirer le talent chez Richardson, dans la danse du Highland Fling. De sorte que moi, faisant partie des 9 hommes sur 10 dont je parlais plus haut, je fus malheureux dans mon premier attachement. Je ne puis dire non plus que je fus plus heureux dans mon second, dont la flamme fut allumée par l'éclat brillant des yeux d'une cousine de 3 ans plus âgée que moi, qui me tira les oreilles lorsque je lui fis ma déclaration dans le boudoir, un dimanche qu'il pleuvait. Je sus à quelle cause attribuer cette défaite. Je portais encore une petite veste ronde, et je jetai un triste regard derrière moi, dans la direction où aurait dû se trouver l'éperon de mon habit, car je sentais que là était mon ennemi. Ma 3e passion n'eut pas plus de chance. Ma 4e n'obtint aucun succès. Et je crois réellement que j'avais eu l'honneur de voir ma main refusée au moins 17 fois, à partir de la pâtissière, lorsque mon heureuse étoile, je disais heureuse étoile alors, je sais maintenant que la main d'un mauvais génie n'était pas étrangère à l'affaire, me jeta sur le chemin de Rose Mathilde. J'en fis la rencontre dans une réunion où l'on prenait le thé, à Somerstown, où mes sœurs m'avaient emmené dans un cab, dont, par parenthèse, je fus obligé de payer la course. J'avais des bottes étroites et un gilet blanc. Maintenant, je vous dirai que j'ai toujours considéré que le but est la fin de ce piège, de cette horrible duperie que l'on appelle habituellement la tasse de thé de l'amitié, consiste à rester assis dans une position très incommode sur une chaise qui l'est aussi, à boire très chaud du thé très faible, ce qui occasionne une hydropisie temporaire, à manger des préparations spongieuses du genre brioche ou baba qui jettent du noir sur vos organes digestifs, à prononcer des mots vides de sens et à rester les bras pendants. Je ne suis point un homme qui éblouit et je crois ne l'avoir jamais été. Je ne me souviens pas d'avoir jamais plongé toute une assemblée dans des rires convulsifs par mes saillies spirituelles, ni de l'avoir électrisé par mon éloquence. Cela cependant a pu m'arriver quelquefois, mais ma modestie ordinaire m'a toujours empêché de m'en apercevoir. Mais lorsque j'ai le malheur d'être invité à me joindre à quelques amis pour prendre le thé à 7 heures, avec le véritable fantôme d'un capitaine fantastique qui est un Chamier, un Maria ou un Basil Hall, en comparaison de moi pour égayer une conversation, oh alors combien je déteste la souriante maîtresse de la maison, revêtue de sa plus belle robe de soie. Je connais quelle est son inquiétude au sujet de ses 18 pence de crème, quantité trop faible pour aller jusqu'à la 3e tasse, et que le cœur lui manque pour un morceau de muffin tombé du côté beurré sur un tapis neuf. Oui, je sais qu'elle est bien malheureuse, et je la plaindrai presque. Mais quelle est ma haine pour les quelques amis! J'espère que ce jeune employé au bureau de la guerre a aussi des bottes étroites. Il a un pli au coin de la bouche qui ne peut venir que de ses corps. Oui, je ne suis ni physionomiste ni physiologiste, si cette grimace nerveuse dans les muscles de la face ne signifie pas que des corps lui font mal, et que le cuir les presse. Lui et moi seulement, dans toute cette foule sans cœur, sommes amis et frères. Mais quant aux autres, qui paraissent n'avoir aucun souci sur cette terre, dont l'élément naturel semble être du thé faible bouillant, trop sucré, et auquel la pâte incuite et spongieuse des muffins paraît être une nourriture saine et fortifiante, pour ceux-ci, Ma haine n'est mitigée par aucune marque de sympathie ou de pitié. Nous sommes ennemis, ennemis jusqu'à la mort, ou plutôt jusqu'au paillasson de la porte, car une fois hors de l'abominable château du désespoir, lorsque leurs câbles les ont conduits vers les silences suprêmes, et le mien chez moi, je ne pense plus à eux. Je fais une digression. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire à Rose Mathilde. J'en fis la rencontre dans une réunion où l'on prenait le thé. Oh, comment pouvait-il se faire qu'une aussi adorable Aphrodite pût sortir d'un océan aussi bourbeux que celui des quelques amis? Je crois que j'eus plus d'imagination que d'habitude ce soir-là. Je lui demandai si elle avait vu la vallée du repos de Milet, et si elle ne trouvait pas les nonnes laides. Je savais qu'en disant cela, je n'avais rien à craindre. J'avais si souvent entendu faire cette observation. Je lui demandais si elle aimait les gâteaux, et si elle ne les considérait point comme indigestes, et si elle ne croyait pas qu'on les servait aux invités qui buvaient du thé, afin de les empêcher de prendre leur part du souper. Elle me répondit que j'étais une mauvaise langue, qu'elle en était certaine. J'étais heureux de savoir qu'elle en était certaine, parce que je n'en étais pas le moins du monde certain moi-même. Je lui demandais s'il avait lu le Comte des deux villes, et s'il ne le croyait pas plus touchant que Pickwick. Je lui demandais lequel elle préférait, de Frédéric II ou des Virginiens, et quelle était l'héroïne des idylles elle pensait qu'eût fait la meilleure ménagère pour un jeune homme apportant 200 livres en mariage. Énide, sans doute, parce qu'il lui était égal de porter de la soie fanée. Elle me dit qu'elle pensait que Geraint était une horrible brute comme époux, et que Lancelot était le seul dans tout le volume qui valut quelque chose. Que Guinevere était bien stupide d'avoir jeté ses diamants, même en quittant son amant. Elle regardait Hélène comme une jeune personne très avancée, qui ne pouvait s'empêcher de courir après les hommes après sa mort. Elle en dit encore bien d'autres, que j'écoutais, comme vous devez bien penser, avec une attention telle que je manquais glisser de la chaise brodée de la maîtresse de la maison, en me penchant au-dessus des boucles embaumées des cheveux de l'adorable créature assise près de moi sur une chaise basse. Délicieux moment! Je remarquai de l'autre côté de la chambre la mère de celle qui me charmait, jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet dans la direction de sa fille et de la mienne. Peu de temps après, elle murmura quelques paroles à l'oreille de la maîtresse de la maison, et si mes yeux ne me trompèrent pas, les lèvres de la dame semblèrent articuler les mots « 500 livres sterling par an » et « des espérances ». Quoi qu'il en soit, l'effet de cette communication ne parut pas désagréable, et la mère de ma bien-aimée souriait avec joie à son enfant. Après le thé, elle chanta et je tournai les pages de sa musique. Délicieuse occupation. Je crois que je les tournais toujours mal. Était-il possible d'avoir les yeux fixés sur d'insignifiantes croches ou doubles croches pendant qu'elle chantait? Bref, mon heure avait sonné. Je contemplais mon premier amour, moins les 17 autres. Cette soirée fut un rêve. Elle chanta. Je ne savais pas trop ce qu'elle chantait. Elle joua. Ce pouvait être du Sébastien Bach, comme ce pouvait bien être aussi des variations sur les mélodies des Christie's Minstrel. Mais c'était pour moi la musique des anges, et je serais resté plongé dans ce ravissement, sans l'interruption occasionnée par l'ordre donné à la servante Polly de tout préparer pour le repas du soir. Je la conduisis à table. J'étais assis auprès d'elle pendant le souper. Je lui offris du poulet et lui découpai un morceau de langue. Dans mon enthousiasme, je renversai sur ses genoux une partie de la gelée colorée qui ornait ce comestible. Mais amare et sapere. Le proverbe est peut-être un peu vieux, mais vous savez que jamais personne ne l'a fait. Les fades boissons qui nous étaient servies se changeaient en nectar. Le vin du Cap à 2 shillings aussi bien que le Marsala à 2 shillings 6 pence, pour ne rien dire du sherry d'Afrique, lorsqu'on le dégustait à ses côtés. Je la présentai à mes sœurs. Elles dirent plus tard dans le fiacre, en revenant à la maison, que c'était une créature prétentieuse et que sa crinoline allait horriblement mal. Et que m'importait sa crinoline? Et qu'est-ce que cela me faisait que cette soie, comme elle disait, fût achetée à Saint-Paul-sur-Chard et fût mauvais teint? Est-ce que cela me regardait? Mon Énide était préférable au monde entier. Et quant à sa robe de soie passée, eh bien, je lui en achèterai une neuve, ou elle la ferait teindre, et ainsi de suite. Maman, sa maman, portait un tour de cheveux, mais c'était sa maman, et c'était un puissant effort que je faisais en ayant toujours l'air de ne pas le penser. Sa maman m'invita à aller les voir. Je leur dis que je connaissais la plupart des directeurs des théâtres du West End. J'espère que ces messieurs me pardonneront, et je crois qu'ils le feront, car eux-mêmes ont dû être amoureux à quelque époque reculée de leur existence, que je pouvais leur avoir des billets de faveur, et que je pourrais les apporter chez les Pocklington. Pocklington était le nom de famille de ma rose Mathilde. Feu Pocklington, Madame Pocklington était veuve, avait été employée à la poste. Je ne l'ai jamais demandé en quelle qualité. Qu'il eût été facteur rural ou inspecteur général, qu'est-ce que cela me faisait? J'eus la permission d'apporter des billets. Je le fis. Je les eus de mon vieil ami Scrancher, qui rédit les articles théâtre dans le Daily Scarifier, et je le régalai d'une prodigieuse quantité de verres d'absinthe à l'hôtel qui lui donnait abri. De sorte que Rose Mathilde, Madame Pocklington et moi partîmes dans un fiacre, moi ayant, comme de juste, le dos tourné du côté des chevaux. Mais les fiacres sont étroits et elle était vis-à-vis de moi. Je ne trouvais donc pas le prix de la course trop élevé. De Mornington Place au Théâtre Olympique. Oh, ma sœur, cœur insensible! Où étaient alors les pences que j'avais l'habitude de dépenser dans ces chers omnibus jaunes qui me sollicitaient toujours dans le Strand et qui, malgré moi, me conduisaient à Hampstead Road? Les conducteurs devaient savoir mon secret. Il y avait une nuance d'insinuation dans le ton avec lequel ces circiers en velours de coton prononçaient leur cri habituel « par ici » qui me persuadait qu'ils avaient connaissance de ma faiblesse. Bref, ma 18e passion paraissait devoir être heureuse. Rose Mathilde et moi fûmes fiancés. Oui, j'avais dit un jour dans le salon, maman avait une visite à rendre et me pria de vouloir bien l'excuser. Nous étions seuls. J'avais dit que mon bonheur, mon existence entière, dépendait d'un mot qui pouvait me rendre heureux ou malheureux. Et Rose Mathilde avait dit « Dieu, Monsieur Struthers ». J'ai oublié de dire plus haut que mon nom est Struthers, Benjamin, mon nom de baptême, et ce nom m'a causé de grands désagréments en certaines occasions. « Dieu, Monsieur Struthers, que puis-je dire pour vous rendre heureux ou malheureux ?»« Ce que vous pouvez dire. » Puis alors, l'immanquable comédie, cette comédie tour à tour vieille, nouvelle, banale, originale et insupportable. Le visage qui rougit, les sourires, les pleurs, la petite main qui tremble, la surprise et toutes les vieilles ruses qui sont d'usage. Et je fus accepté. 17 représentations avaient peut-être ôté un peu de fraîcheur à cette comédie universelle. 17 réveils du même songe rendaient peut-être un peu difficile l'oubli que ce rêve n'était qu'un rêve. Peut-être y avait-il une arrière-pensée, dans ce débordement même d'enthousiasme, et j'ai pu croire qu'après tout, je ne faisais que jouer à l'homme heureux. Mais, carpe diem, Madame Pocklington rentra. Jamais elle n'avait pensé à cela. Quelle chose étonnante! Et Rosette, méchante enfant, si rusée, lui avoir tout caché! Malgré toutes ces exclamations, je n'ai pas le moindre doute que cette femme et sa fille eussent souvent parlé longuement de moi et de mes projets, ainsi que des avantages d'une union entre nous, et trouvaient que j'étais un meilleur parti que Brown, et que c'était une meilleure affaire que la demande très probable de Jones. Sans compter qu'il était fort possible qu'avant peu Robinson lui-même pourrait bien, un de ces jours, entrer brusquement et s'installer auprès du feu dans leur chambre à coucher pendant notre brève connaissance. Mais après tout, comme dit le poète, mieux vaut avoir aimé et avoir perdu. Mieux vaut être le plus faible des fous que de perdre les moyens de pouvoir le devenir. Mieux vaut le plus ridicule des rêves sur cette terre que ce réveil plein de sagesse qui nous avertit que nous ne pourrons plus jamais rêver. De sorte qu'en somme, j'étais très content que Rose Mathilde m'ait accepté et je lui achetai une bague en brillant chez M. Benson à Ludgate Hill ce jour-là même et le soir après le thé, je la lui passai au doigt, de façon que nous étions fiancés. J'avais loué une maison et je l'avais meublée d'après les goûts de ma belle-mère future. Le jour de notre mariage était fixé. Il devait avoir lieu en décembre. Nous étions alors en novembre. Oui. Nous étions dans cet affreux mois qui vous pousse à la tristesse et au suicide, quand pour la première fois j'entendis prononcer son nom. Le nom de mon rival inconnu et mystérieux, le nom de l'être contre lequel, pendant plusieurs mois de ma vie, j'ai proféré de sourds anathèmes et sur lequel j'ai concentré toute la haine d'un esprit si paisible jusque-là. Ce fut à cette occasion. Nous avions été au théâtre, nous avions vu représenter une farce. J'oublie son nom, mais je sais que M. Buckstone, dans cette pièce, a son habit déchiré par derrière du haut en bas, et que personne ne se reconnaît, de sorte que, comme j'ai tout lieu de le penser, de tels incidents ne pouvant se produire que dans une seule pièce, mes lecteurs reconnaîtront sans doute l'œuvre dramatique dont j'ai oublié le titre. Nous avions été au théâtre, et j'étais retourné chez les Pocklington pour souper. Nous avions des huîtres marinées. On m'en servit deux fois. L'ale en bouteille me sembla délicieuse. Ce soir-là, la vie me parut comme un rêve brillant et doré. Je songeais peu à l'épée de Damoclès qui, dans ce moment même, se balançait au-dessus de ma tête, suspendue à la rosace blanche du plafond de la salle. Je ne me doutais guère que le maître du tonnerre tenait la foudre dans ses mains et n'attendait que le moment propice pour lancer cet instrument à la tête maudite de Benjamin Strothers, Dinner Temple. Ma fourchette avait fait la moitié de la route entre mon assiette et ma bouche. La lampe modérateur brûlait avec éclat. Je pouvais contempler, dans un cadre placé vis-à-vis de moi, une jeune fille en costume de paysanne, poser son éternelle question à un jeune héros chargé de chaînes. Le feu était ardent et gai. La cendre tombait dans le cendrier. Je me souviens, dans toutes les époques mémorables de notre existence, il en est ainsi, les choses les plus insignifiantes nous impressionnent, que je me demandais si le domestique se servirait de ces résidus pour allumer son feu le lendemain matin, ou bien si elle les jetterait aux ordures dans l'arrière-cour, lorsque Madame Pocklington me dit « Vous aimez le poisson, Monsieur Strothers ?» Je crus que c'était une allusion à mon adresse pour avoir été servi deux fois. Si ce fut dans cette intention, c'était bien petit, car après tout, ces huîtres de Colchester étaient une partie de celles que j'avais offertes moi-même, et venaient d'un baril qu'ils avaient accepté. « Vous aimez le poisson ?»« Rosette, le capitaine Thomas n'aimait-il pas aussi le poisson ?» L'épée était tombée, la foudre était lancée. Le maître du tonnerre mit ses mains dans ses poches et continua, je suppose, sa petite discussion avec l'œil de bœuf à propos de sa prédilection pour les heures avancées et les vêtements de fantaisie. Le coup était porté, le capitaine Thomas. Le lecteur fera naturellement cette observation. Eh bien, et puis après, eh bien, il n'y a rien d'extraordinaire dans la mention du nom du capitaine Thomas. Il n'y a rien d'extraordinaire même que le capitaine Thomas ait aimé le poisson. Non, mais je crois, moi, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à ce que Rose Mathilde, à la mention de ce nom, se leva avec précipitation, mit son mouchoir sur ses yeux, et s'élança hors de la chambre. « Enfant sensible, » dit Madame Pocklington. « C'est assez singulier, mais maintenant nous ne pouvons pas prononcer son nom devant elle. Ce fut un attachement des plus extraordinaires. » « Un attachement des plus extraordinaires ? Ceci était très agréable pour moi, n'est-ce pas ?»« Et je vous prie, madame, » dis-je, non sans un ton empreint d'une certaine sévérité, « me sera-t-il permis ?» J'appuyai d'un air sardonique sur le mot « permis », de savoir qui, un autre air sardonique en prononçant qui, et alors je manquais de respiration, est-ce capitaine Thomas ? Oh ! Répondit Madame Pocklington, c'est la créature la plus adorable, il était. Il ne dit point qui il était, car à ce moment même, Rose Mathilde rentra avec les yeux rouges. Pardonnez-moi, cher Benjamin, d'être aussi folle, murmura-t-elle, je sais que c'est une grande faiblesse, et un enfantillage qui n'a pas de nom, mais. « Il m'aimait tant, pauvre chérie, et moi, nouveau symptôme de larmes. Je l'avais eu pendant si longtemps. » Elle l'avait eu pendant si longtemps. Il ne pouvait pas avoir été... Non, c'était trop horrible. Et puis c'était un capitaine, un guerrier, un homme mûr. Un amoureux préféré sans doute que mon prédécesseur dans les affections de cette fille trompeuse. Et Madame Pocklington avalait toujours des huîtres. Eh bien, que fallait-il faire ? Rompre avec Rose Mathilde et engager le marchand de meubles à reprendre sa marchandise à perte, comme le héros volage du roman de Paul de Kock, ce monsieur qui meublait continuellement ses appartements et continuellement revendait meubles et tentures. Non, la prudence me fit entrevoir qu'en faisant cette transaction, je perdrais de l'argent. Puis j'aimais Rose Mathilde. Ce capitaine Thomas, cet officier, marin ou militaire, comme on voudra, était un être des temps passés. Moi, j'étais le vainqueur. Et je fis intérieurement le serment qu'une fois mariée à Rose Mathilde, je prendrais soin de lui fournir des occasions plus rationnelles pour se rougir les yeux que le fantôme du capitaine Thomas. En sorte que je laissais passer cela tranquillement, et je bus du grog chaud après souper. Rose Mathilde en prit des cuillerées dans mon verre, et tout en badinant, elle me brûla la main avec la cuillère. Enfin, nous nous comportâmes avec la naïve simplicité d'un couple de tourterelles auquel le chagrin, les larmes et le capitaine Thomas étaient inconnus. J'ai déjà dit en quelle occasion le nom du capitaine fut prononcé pour la première fois. Voici comment il le fut la seconde. Notre maison était meublée et nous allâmes la visiter une après-midi. Le tapis était placé dans la salle à manger, les tentures dans le salon. Tout d'après le goût de Madame Pocklington. Pour moi, je ne crois point aux roses bleues du ciel sur un terrain ponceau. Mais je pense qu'il y croyait, car il voulut que le tapis fût ainsi. Les tapis du premier étage étaient du modèle le plus simple et le plus innocent qui se pût voir. Ils avaient, je crois, la prétention de vouloir représenter de l'herbe, mais par le fait, ils ressemblaient à du vermicelle vert. Mais aussi, comme ils faisaient ressortir les rideaux blancs, les porcelaines blanches à filets d'or, et l'armoire en bois d'érable avec sa glace, et les boutons de porcelaine au tiroir. Madame Pocklington disait que la maison était un vrai bijou, et que si les deux trésors qu'elle nous avait trouvés comme cuisinière et femme de chambre se comportaient bien, et elle aurait soin que cela arrivât, je dis merci, tout en prenant intérieurement la ferme résolution de ne rien accepter par son intermédiaire. Mais il n'y avait pas de mal à dire merci. Nous aurions la maison la plus parfaite de tout le West End. Nous étions dans Camden Town, mais elle disait West End. Eh bien, nous nous trouvions dans le salon. Nous avions tout admiré. Et Rose Mathilde me faisait ouvrir tous les tiroirs, toutes les portes. Ils étaient durs à tirer. Je me faisais mal aux mains. Mais nous n'étions point encore mariés. Je ne pouvais donc pas, par conséquent, avoir la grossièreté de refuser. Et nous voulions justement nous en aller lorsque Madame Pocklington fut soudainement frappée par la vue du tapis de cheminée. « Il est adorablement moelleux. Et quels adorables petits, ne m'oubliez pas. Les roses bleues étaient le « n'oubliez pas ». Ce tapis est d'un goût, comment pourrais-je dire, une poésie. C'est comme si on marchait sur les idylles du roi. Il me semble que le ciel, si j'ai la hardiesse de me servir une telle périphrase, est descendu devant le foyer. Moi, je dis « Oh, ah, bien certainement. » Je ne savais pas au juste ce qu'elle me contait, lorsque Rose Mathilde me dit avec volubilité. C'était le défaut de Rose Mathilde, elle parlait fort vite. « Oh, maman, maman, est-ce que le capitaine Thomas n'eût point été heureux ici ?»« Oh, sur ma parole, j'étais près d'un sofa élastique. Je m'y laissais tomber comme pétrifié. Moi, j'avais meublé la maison. » J'avais eu à supporter plus que personne les extorsions de les plus consciencieux marchands. Madame Pocklington payait les notes pour moi. Et je remarquai un canapé neuf, du prix de 12 livres 12 shillings, dans son salon de Mornington Place, dont je ne pouvais découvrir l'origine. J'avais fait tout cela, et maintenant, on me disait combien le capitaine Thomas eût été heureux dans cette maison arrangée par moi. Oh, je ne suis point un homme porté à me servir d'un langage déplacé. Mais je ne puis m'empêcher de dire « Oh, mais que Dieu vous bénisse, ceci n'était pas tout. Le maître du tonnerre n'en avait pas encore fini avec moi. » « Certainement qu'il eût été bien heureux, répondit le vieux serpent de belle-mère, qui devait être la mienne. Combien il eût aimé ce tapis de foyer. Je puis assurer qu'il l'eût plus apprécié que vous, monsieur Struthers. » Ah, ceci était probablement une épigramme lancée contre mon peu de goût. Le capitaine Thomas eut sans doute compris le sens de ces anomalies bleues sur le tapis. Elles étaient aussi larges que des soucoupes. « Oui, maman, car je l'eusse amené ici, savez-vous, ce pauvre chéri, si nous ne l'eussions point perdu. » Reprit Rose Mathilde. « Vous pouvez bien compter que vous ne l'auriez pas gardé pour vous toute seule. » « Oh, à présent, parlez de... » « Bien, une rivalité entre la mère et la fille. » « Mais sous l'Empire romain. » Dans sa plus abominable période de corruption, lorsque Vitellius mit le feu aux tivres et jouait du violon pendant qu'il flambait, lorsque Jules César éclairait Athènes avec les bûchers des calvinistes, pouvez-vous trouver quelque chose de pire que ceci? Je dis « ah, ah ». Les mots me manquaient, c'est pourquoi je disais « ah, ah ». Le chéri, continua la femme qui devait être la mienne, mais Desdémone, ennuyant Othello à propos du mouchoir de poche qu'elle voulait qu'il donnât à Cassio, n'était rien à côté de cela. Vous l'auriez tant aimé, Benjamin. moi, Benjamin, je l'eusse aimé. Oh non, dis-je. Non, madame, je ne veux pas de capitaine Thomas ici. Depuis que cela est poussé si loin, depuis que la maison est meublée et qu'on m'a porté mon habit de noces à la maison, je ne reviendrai plus là-dessus. Mais point de capitaine Thomas ici. Oh non, non. Vous ne les aimez pas, dit-elle, comme c'est drôle. Ah, c'était drôle. Eh bien, j'avais aperçu un livre à couverture de papier jaune à Mornington Place, un livre écrit en langue étrangère, et j'attribuais l'absence évidente de sens moral dans le cerveau de la femme que j'adorais à la perte graduelle de cette partie de la masse cérébrale occasionnée par la lecture de ces livres étrangers. Et je fis intérieurement un autre serment, c'est qu'une fois mariée avec moi, Rose Mathilde ne lirait rien d'autre chose que ces bons ouvrages anglais pleins de fiction qui élèvent le sens moral, tandis qu'ils développent les organes intellectuels. Elle aurait la modeste lecture des publications à deux sous, tirées des purs sceaux de Fielding et de Smollett, les pieuses élucubrations de Jonathan Sterne, en relation avec l'Église, je pense, car je crois qu'il était évêque irlandais, et ne se nourrirait point l'esprit de ces lectures excitantes et empoisonnées dont la source est à Soho Square et à Burlington Arcade, pour ne rien dire de ce cher et obligeant Jeffs de Brighton et de cet amour de petite boutique dans Holborn, tenu par le meilleur de sa race, M. Rock, chez lequel je me sers. Eh bien, c'était la deuxième fois que j'entendais prononcer ce nom détesté. Maintenant, passons à la troisième. Ce fut la veille au soir de notre noce, je veux dire que ça aurait dû être la veille au soir de notre mariage. La soirée était plus triste que de coutume. La maison était encombrée de boîtes et de caisses aux angles aigus. La vue de ses propres jambes était même désagréable. Rose Mathilde n'était point de bonne humeur et fondit en larmes à la vue de la théière en métal anglais, en disant que c'était la dernière fois qu'elle allait prendre du thé fait dans cette chère vieille théière. Bonté du ciel! Comme si c'était un intrigant et que j'eusse voulu l'épouser pour la théière, quand j'en avais acheté une en argent, quelques jours avant, 10 guinées et demie. Mais comme je l'ai déjà dit, c'était le défaut de Rose Mathilde de parler avec volubilité. Il y avait trop de sensiblerie dans cette candide enfant de Hampstead Road. Je mettais l'adresse sur des cartes pour les mâles. Nous devions aller à Paris, et je ne pouvais parvenir à mettre l'orthographe de l'hôtel Meurice. Cela compliquait la situation, aussi Rose Mathilde se dérida-t-elle et se moqua-t-elle de moi. Somme toute, je ne fus pas fâché lorsqu'il fut temps de se retirer. Madame Pocklington m'écrasa la main en me la serrant quand je partis, et me dit qu'il n'y avait pas un autre homme dans toute l'Angleterre. Comment pouvait-elle le savoir? Elle ne connaissait pas tous les hommes de l'Angleterre, auxquels il eût pu mieux confier le sort et le bonheur de son enfant adoré. Elle aurait dit les mêmes paroles aussi bien à Brown, Jones ou Robinson, je le savais, mais je faisais de mon mieux pour paraître reconnaissant, puis nous nous séparâmes. Le maître du tonnerre s'occupait encore de moi. Je n'avais pas fait 300 pas. Quand je me souvins tout à coup que j'avais oublié de leur demander à quelle heure je devais les trouver le lendemain à l'église Saint-Pancras. Ce pouvait être à 7 heures du matin, comme ça pouvait être à 4 heures de l'après-midi. Il me fallut retourner pour m'en informer. Leur servante, comme d'habitude, était affolâtrée avec le policeman à la porte du jardin, de sorte que celle du vestibule était ouverte. Je passai à côté d'elle et j'entrai. La porte du salon était entrebâillée et j'entendis sortir des lèvres de la femme que j'allais épouser ces exclamations passionnées. « Mon chéri, mon Thomas adoré, oh mon Thomas !» Dans tout le cours de notre amour, elle ne m'avait jamais dit « Oh mon Benjamin !»« Oh mon » était évidemment une expression mystérieuse de tendresse spécialement consacrée à l'usage de ce suborneur, soit marin, soit militaire. « Mon Thomas nous est revenu, mauvais garnement, venez ici !» Après ce « venez ici », il y eut ce son particulier et confus tenant le milieu entre le gazouillement des oiseaux pendant la pluie et le bruit que l'on entend sous les arbres lorsqu'on débouche des bouteilles. Elle, ma future, embrassait le capitaine Thomas. Ou bien le capitaine Thomas l'embrassait, cela importe peu. Le déshonneur était des deux côtés. Il y avait un porte-parapluie dans le vestibule. Je me réfugiais dans son ombre, pendant que Rose Mathilde s'élançait hors de la chambre. « Maman !» cria-t-elle au pied de l'escalier. « Maman, le croiriez-vous? Il est revenu, le capitaine. Il est rentré par la fenêtre de la chambre à coucher. » Par la fenêtre de la chambre à coucher, cela allait bien. Je voyais en perspective le fait raconté dans les journaux du dimanche sous le titre de « Horrible dépravation dans Hampstead Road ». « Il est si maigre, maman, mais si maigre! Je suis sûr qu'il a été enfermé quelque part. » L'infâme débauché, en prison pour dette, sans doute, au bord de la Reine ou à White Cross Street. « Et ses moustaches, maman, ses chères moustaches, ils sont au moins d'un pouce plus longues !» Puis elle s'élança de nouveau dans le salon, où le bruit du gazouillement que j'avais entendu recommença de nouveau. « Et notre Thomas chéri ne quittera plus sa Rosette, jamais, jamais, n'est-ce pas ?» Ce qui faisait paraître la conduite de cette jeune fille plus coupable encore, c'est que toute l'affection venait de son côté, car pas un seul mot n'avait été prononcé par cet officier, marin ou militaire. Eh bien, je crois que j'en avais assez entendu. Ne le croyez-vous pas de même? De sorte que je sortis tranquillement de la maison et que je retournai chez moi où je fis mon sac de voyage, pris un cab et quittai Londres pour Douvres par le train express. J'arrivai à Paris où je reçus une lettre de l'avoué de Madame Pocklington. Je ne suis devenu ni fou ni idiot et mes cheveux ne blanchirent point dans une nuit comme cela aurait pu arriver. Je reçus une assignation pour avoir rompu une promesse de mariage et j'eus à payer 1000 livres sterling de dommages-intérêts. Le capitaine Thomas était un superbe chat noir auquel Rose Mathilde était sincèrement attachée depuis qu'elle l'avait vu naître. J'offris tout ce que l'on voudrait. Je la suppliai de m'épouser et d'oublier le passé, mais elle ne voulut pas. Et peu après, elle se maria avec Robinson. Mes 1000 livres ont sans doute été employés à meubler leur élégante petite maison dans Regent's Park, et l'autre jour, en passant, je vis par la croisée du salon se roulant au soleil mon ancien et plus cruel ennemi, le capitaine Thomas. Marie-Elisabeth Braddon.